J'vois le monde, j'vois ça. En poster, j'ai l'or. Tu crois, j'fais le. Et tout ce qu'il y a de. Sa mère là, AMD. J'suis totalement paix.